Bouge garçon, attention, l'équipe est à l'action. Mets un coup de pression et faire danser les caissons. Toujours avec du bonbon son, toujours pour la même mission. Le 97 est là, le 9-7 mm pour le fire. Aïe aïe aïe, est-ce que tout le monde est prêt pour la hola? Silence, toi et bébert, pour tout qu'écrase, t'écrase. Et je suis obligé car je vais devenir cinglé. Viens représenter, me présenter, j'ai pas besoin de vous les présenter. Je suis solitaire avec mes frères, j'aime pas trop les manières et l'état. Je suis solitaire avec beaucoup de frères, stopper la misère, arrêter la guerre. Chez mes frères africains, donnez tes sous, y'en a trop pour toi. T'inquiète pas, n'aie pas peur, un jour tu comprendras pourquoi j'ai toi en sueur. Je suis en mode bébert avec une 97 mm. Je te ferai trembler à des millions de kilomètres. Je suis chaud pour le 2007, on sort le crit pour le 2008. Petit boy, c'est pas tiré, y'a le sandboy. J'ai fini ces microphones, vous représente pour les dom dom. Adieu, c'est Willy Willy Boy. Adieu, c'est Piki Piki Girl. Piki dit ça official. SNC est en freestyle, c'est pas petit boy, c'est pas tiré, y'a le sandboy. J'ai fini ces microphones, vous représente pour les dom dom. Adieu, c'est Willy Willy Boy. Adieu, c'est Piki Piki Girl. Piki dit ça official. 7 mm instrumental. J'ai fini ces microphones, vous représente pour les dom-dom. Adieu, c'est Willy Willy Boy. Adieu, c'est Piki Piki Girl. Piki dit ça official. SNC est en freestyle, c'est pas Piki Piki Boy. C'est pas tiré, y'a le sandboy. J'ai fini ces microphones, vous représente pour les dom-dom. Adieu, c'est Willy Willy Boy. Adieu, c'est Piki Piki Girl. Piki dit ça official. 7 mm instrumental. Piki Piki, silence noir. Piki Piki, en deux mic. Mini, fini, silly, silly. Wiki dit tout night, c'est pas Piki Piki, silence noir. Piki Piki, en deux mic. Mini, fini, silly, silly. Wiki dit tout night. Thank you.